بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue les cours de Tawhid, l'explication de la Risala, l'usul al-thalatha, les trois fondements, les trois bases, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. On a été arrivé à la troisième base, l'aslu al-thalith, ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La troisième base, la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, il dit, on reprend depuis le départ parce qu'on a eu une interruption assez longue, donc je reprends au début de cette troisième base, inshallah. الشيخ الجي وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إلى محمد الفيز دو عبد الله كي الفيز دو عبد المطلب كي الفيز دو هاشم. هاشم في partie de la tribu de قريش. Et قريش font partie des Arabes. Et les Arabes sont la descendance de Ismaïl ibn Ibrahim al-Khalil عليه وعلى نبينا Donc, la première chose, ici on étudie le troisième principe ou la troisième base. Ma'rifat nabiyyina Muhammad. Wa hiya min usul ad-din ath-thalathah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Fait partie des trois bases de la religion qu'il est une obligation pour chaque personne de connaître. On l'a vu au départ. La connaissance de Muhammad. Ensuite, il nous a cité son nasab, sa lignée. Il est issu du meilleur nasab. Il est issu de la plus noble lignée. Et les prophètes sont toujours issus de lignées nobles. De lignées nobles, comme c'est venu dans le hadith de Héraclès, qui est dans Sahih al-Bukhari. Donc, et il descend des Arabes. Il y a deux sortes d'Arabes, en fait. Il y a l'Arabe al-Ariba ou l'Arabe al-Musta'ariba. Les Arabes de base, on va dire, et les Arabes arabisés. D'accord ? Les Arabes de base, ce sont Qahtan. Qahtan, c'est une tribu ou un ensemble qui vient du Yémen. Et les Arabes arabisés, ce sont ce qu'on appelle Adnan. Ce sont les descendants d'Ismaël. Puisqu'Ibrahim, alayhi salam, il a, comme c'est venu dans Sahih Bukhari, il a laissé Hajar, sa deuxième femme, ainsi que son fils, qu'il avait eu avec elle, Ismaïl, et il les a laissés à la Mecque. Sous l'ordre d'Allah Ta'ala. Et donc, il a laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl à la Mecque. Alors qu'il avait laissé sa première famille, c'est-à-dire sa femme Sarah et leur fils Ishaq, il les avait laissés à Beit al-Maqdis. D'accord ? Ces deux, comme le disent certains éléments, ces deux centres de da'wah, en fait. Deux centres où il a, entre guillemets, implanté le tawhid. Du premier, Beit al-Maqdis, et de la descendance de Sarah et de son fils Ishaq, sont sortis tous les prophètes de Bani Israël. Ibrahim, Bani Israël, donc Israël c'est Yaakov, c'est le fils de Ishaq. Yaakov et Israël c'est une seule et même personne. Yaakov et Israël sont sortis bien sûr Youssef. Plus tard Moussa et son frère Haroun. Plus tard Daoud, Suleiman. Plus tard Zakaria, son fils Yahya. Et Isa ibn Maryam, alayhi salam, qui est le dernier prophète de Bani Israël. Et pendant longtemps, les Arabes sont retournés au shirk. Ils ont falsifié et innové dans la religion de Ismaïl, alayhi salam, qui était sur le tawhid. Et ils ont inclus des innovations dans la religion sous l'impulsion d'une personne qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui a introduit le shirk parmi les Arabes. Il a introduit le shirk parmi les Arabes. Il leur a introduit le shirk sous plusieurs formes. L'adoration des idoles, par l'invocation et le sacrifice, et des législations qu'on trouve dans le Coran par rapport aux bêtes, par rapport aux mois sacrés, des tashri'at, des législations. Et le shirk, comme il est rentré chez les Arabes sous ces deux aspects, il est présent à notre époque chez les gens qui se prétendent de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous ces deux aspects. C'est-à-dire que les gens, ils adorent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent les morts, ils sacrifient pour les morts et pour les djinns, et ils prennent d'autres législateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, en jugeant par les lois forgées, en votant pour des tawarites, en revenant au jugement, au tribunal du kufr, etc., etc. Donc on voit que ces deux sortes de shirk étaient présentes. Elles sont toujours présentes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa lignée est telle qu'elle. Sa lignée est une lignée noble. Maintenant, le shirk, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il veut nous montrer ce qu'il est obligatoire à nous de connaître sur ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire de connaître cinq choses. Le premier, il est obligatoire de connaître Ismu, Ma'rifat Ismu, la connaissance de son nom. Il est une obligation de savoir qu'il est Muhammad. Lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que tu rentres dans l'islam, il faut que tu connaisses que ce prophète s'appelle Muhammad. La deuxième chose, la connaissance, ma'rifatu, annahu rasulullah. La connaissance qu'il est un prophète, qu'il est le messager d'Allah. Wa annahu nabi, et qu'il est un prophète. Wa annahu abdullah, et qu'il est un serviteur d'Allah. La malak, il n'est pas un ange. Wa la ilah, il n'est pas une divinité, on adorait. Wa la yu'badu, wa la yushtaghathu bihi, wa la yuzbahu lah. On ne l'adore pas, on ne demande pas son aide. Par l'invocation, on ne sacrifie pas pour lui, wala yusrafu lahu shay'un min al-ibadah, et on ne lui donne rien parmi les formes d'adoration. La troisième chose, donc la première chose, la connaissance de son nom. La deuxième chose, la connaissance qu'il est le messager d'Allah, qu'il est un prophète, qu'il est le serviteur d'Allah, qu'il n'est pas un ange. C'est la Il n'est pas un troisième. ilah. Ça, c'est la deuxième. Je répète. La troisième, c'est la plus importante. Ma'rifatu ma ja'a bihi. La chose la plus importante, connaître ce avec quoi il est venu, connaître son message. D'accord? Aujourd'hui, les gens, ils se contentent de côté. Certains connaissent de Mohammed sa sira, son histoire. D'accord? Certains ne connaissent de Mohammed ses noms. Certains connaissent de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam. C'est par exemple ses caractéristiques physiques. Certains connaissent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des poèmes qu'il récite le jour de son maulid, le jour de la célébration de son anniversaire, de sa naissance. Un très connu qui s'appelle Al-Burda, qui est rempli de shirk, dans lequel ils invoquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils font son éloge. Et le plus important qu'ils auraient dû connaître, tous ces gens-là, c'est de savoir avec ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il est venu avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah. Il est venu pour mettre en garde les gens contre le shirk. Et il est venu avec la sunna, la voie qui mérite d'être suivie. Et pour mettre en garde les gens contre le bid'a, contre l'innovation et l'hérésie dans la religion. Et il est venu avec la ta'a, avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a mis en garde contre le ma'asiyah, contre la désobéissance à Allah. Ces trois choses et leurs trois inverses, hein, sont la garantie du bonheur. Le tawhid qui s'oppose au shirk, la sunna qui s'oppose à la bid'a, et la ta'a, l'obéissance, qui s'oppose à la ma'asiyah, à la désobéissance. Toute la vie du musulman est basée sur ces trois choses et sur leurs trois inverses. Toutes ces choses que nous venons de dire, tout ça est cité dans le hadith de Asma, anha, qui est dans le Bukhari au Muslim. Et on revient que ces trois bases qu'on étudie depuis le départ, c'est les trois choses sur lesquelles on sera questionné dans la tombe. D'accord? Et dans ce hadith, il nous explique: فَيُسْأَلُ الْمَلَكَانِ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ. On demandera à la personne dans sa tombe: que t'est-il parvenu comme science sur cet homme, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? فَيَقُولُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. Le croyant dans sa tombe, il répondra: Muhammad et le messager d'Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Il est venu à nous avec les preuves et la guidance. Fa'ajabna wa amanna. Nous lui avons répondu et nous avons cru en lui. Et dans le hadith Al-Bara ibn Azib, le hadith Al-Bara ibn Azib, pareil sur la tombe, quand on ramènera l'homme dans sa tombe, le croyant, il dit quoi? Fi su'al al-malakayn fa yaqulani ma yudrika an hadha ar-rajul. Il dit, comment as-tu su que cet homme, entre guillemets, était le messager d'Allah? Les anges, ils disent ça à la personne. Ils poseront la question à la personne, à nous ou à d'autres. Préserve du châtiment de la tombe. Fayaqulu, qara'atu kitab Allah, fa'amantu bihi, fa'amantu afwan wa sabba. Il dira à la personne, c'est comme si les anges lui avaient demandé, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve par rapport à cet homme-là? Et il dit quoi? Qara'atu kitab Allah. J'ai lu le livre d'Allah. J'ai cru en lui et je l'ai déclaré véridique. D'accord? Donc les anges demandent. Et la preuve que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, la première chose, c'est le Coran. C'est le Coran. Allah dit dans le Coran, Muhammad al-Rasulullah, walladina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u bayyizi. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les kuffar, avec les mécréants, et ils sont miséricordieux. Donc il est obligatoire de connaître cinq choses. Je reprends, la connaissance de son nom. Deuxième, la connaissance qu'il est messager d'Allah. Troisièmement, la connaissance de son message, c'est-à-dire de ce avec quoi il est venu. Plus important. Le quatrième, ma'rifatunnahu arabi wa annahu mat. La connaissance, quatrièmement, qu'il est un arabe, qu'il est arabe et qu'il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vivant dans ce monde, comme on pense. Certaines sectes parmi les soufis, des sectes très répandues au Pakistan, dans le Bahreïn, qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant parmi nous, qu'il entend tout, qu'il voit tout, et qu'ils l'ont mis à l'égal d'Allah. Ils disent qu'il s'est réincarné, non? Qu'il s'est réincarné. Allah, ça parle de réincarnation, je ne sais pas, mais en tout cas, donc il faut savoir qu'il est un arabe et qu'il est mort. Et la cinquième, enfin, ma'rifatu min siratihi. La connaissance dans son histoire et dans sa sira de ce qui fait la différence entre lui et ceux qui ont prétendu à la prophétie, c'est-à-dire les faux prophètes. Tu sais, quand tu lis la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu fais la différence clairement et tu sais qu'il est un vrai prophète. Il est un vrai prophète et tu fais la différence entre lui et les faux prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ses hadiths comme quoi il viendrait des faux prophètes. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Le premier d'entre eux étant Moussaïlima al-Kadhab, à son époque, qui a été tué, combattu et tué sous le califat de Abu Bakr al-Siddiq, dans des lois. Hein. D'autres sont venus, parmi les derniers des faux prophètes, Ahmed Ghulam al-Qadiani. Ahmed Ghulam al-Qadiani, il est sorti en Inde. Il est sorti en Inde à l'époque de la colonisation anglaise, et les Anglais l'ont financé, et il a d'abord prétendu être un savant, puis être le Mahdi, et après il a prétendu être un prophète. C'était une personne, comme tous les prétendants à la prophétie, une personne vicieuse, menteuse, mécréante et hypocrite. Mais financé par les Anglais, il a réussi à égarer de nombreuses personnes, et il a encore aujourd'hui des grands groupes qui le suivent, qu'on appelle l'Ahmadiyya ou l'Qadiyani. Le message avec lequel il est venu, ne vous étonnez pas, c'est pour ça qu'il a été financé par les Anglais. À l'époque où les Anglais voulaient conquérir l'Inde, c'était les musulmans qui avaient le dessus en Inde. Et tout simplement, Ahmed Qadiani, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a abrogé le djihad. Il a dit, il est venu aux Indiens pour leur dire, je suis prophète et je vous dis que le djihad est abrogé. Bien sûr. Ne combattez pas les Anglais, laissez-les prendre le territoire. L'Inde. Et entre autres, il a contribué, lui et une autre jama'a que les gens pensent inoffensifs, sont apparus à la même époque. Ils ont contribué à faire en sorte que les musulmans de l'Inde délaissent le djihad. Et par là même, d'abord, les Anglais ont conquis l'Inde, et ensuite, quand ils sont partis, ils ont donné le pouvoir aux hindous, aux adorateurs des vaches. Et c'était les musulmans qui étaient en minorité, et pourtant c'était eux qui gouvernaient l'Inde pendant des siècles, alors qu'ils étaient minoritaires en Inde, sur tout le continent indien, ou le sous-continent indien, comme on dit, essentiel. Ce Ahmed Ghulam al-Qadiani, c'est là que je voulais en venir, on voit bien la différence lorsqu'on étudie sa vie, pleine de vices et de mécréances, entre lui et la vie pure et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Il n'a jamais tiré un seul bien matériel du fait de prétendre d'être prophète. Au contraire même, toutes les difficultés qu'il a eues tout au long de sa vie et toutes les persécutions montrent bien qu'il était désintéressé. Deuxièmement, il a été appuyé par Allah subhanahu wa ta'ala, par les miracles, al-karamat, par la victoire qu'il lui a donnée face à des grands groupes de mécréants. C'est quelque chose qui ne peut arriver que par le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans certains de ses livres, parmi Zad al-Ma'ad, parmi Hidayat al-Hayara, etc., etc., il faisait un débat avec un juif ou avec un chrétien, je ne me souviens plus, avec un kitabi, et il lui a dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il lui dit, tu sais, à la fin, ne pas accepter la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est dire du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Le juif et le chrétien, il lui a répondu, comment ça? Il ne veut pas accepter ça. Il lui dit, écoute, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser pendant des années un homme mentir sur lui, prétendre qu'il reçoit son message, qu'il lui a révélé sa parole, qu'il va laisser des millions de gens rentrer dans sa religion, qu'il va laisser cette personne qui est soi-disant un imposteur et soi-disant un menteur mettre à bas les plus grands empires de son époque, puisqu'il a mis à bas les empires, conquérir la moitié de la terre, tout ça basé sur un faux message. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est soit tu, si tu renies le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin tu dois renier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il l'a laissé faire toutes ces choses-là. Ensuite il continue le cheikh et il dit وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. Il dit le cheikh rahimahullah, il avait 63 ans, c'est-à-dire lorsqu'il est mort. 40 ans avant d'être prophète. 23 prophètes et messagers. Il a été rendu prophète par la sourate Iqra, lit. Et il a été rendu messager par la sourate Al-Mudathir. Mudathir, revêtu d'un manteau. Hein. Le dalil, comme quoi il avait 40 ans, 63 ans et qu'il a été prophète à 40 ans, ce sont deux hadiths, chacun venu dans Sahih Bukhari. Le premier selon Aïcha radiallahu anha qui a dit tout fut un Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ibn 63. Aïcha a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il avait 63 ans. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Anas radiallahu anhu wa fih unzil alayhi wa huwa ibn 40. Il lui a été révélé alors qu'il avait 40 ans. Tout ça s'est établi dans des hadiths authentiques. Bukhari. Et le premier il est dans le Bukhari aussi. Ensuite, le Cheikh dit, rahimahullah, ba'athahu Allah bin nidarati an al-shirk wa yad'u ila al-tawhid. Allah l'a envoyé pour mettre en garde les gens contre le shirk et pour les appeler au tawhid. Et on a déjà dit dans les doros précédents, dans l'asl al-thani, dans l'asl al-awwal ou l'asl al-thani et dans le muqaddimat, comme quoi le shirk, comme quoi le tawhid était la plus grande obligation et comme quoi le shirk était la plus grande interdiction. Ici, il a dit, Ba'atha Allah bin nidarati an al-shirk. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le shirk. Wa ad'u ila al-tawhid. Et pour appeler les gens au tawhid. Il a fait passer le shirk. C'est important. Le fait de mettre en garde contre le shirk avant le fait d'appeler les gens au tawhid. Hein? Ça, c'est très important dans le sens. Comme il dit le shirk Abdurrahman ibn Qasim dans son explication de Sulu al-Thalatha. Qaddam al-musannif al-nidarati an al-shirk qabla al-da'wa ila al-tawhid. لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. الشيخ يقول الكومنتاتور يقول l'auteur a commencé par là le fait d'avertir contre le shirk avant le fait d'appeler au tawhid, car ceci est quoi? Et le sens et même le sens et l'implication de la ilaha illallah. La ilaha, ça commence par une négation. Et ensuite, c'est une affirmation. Donc, c'est d'abord le fait. Et ensuite, il dit, il a commencé par interdire le shirk, car l'ibad à l'adoration ne peut pas être établi que si le shirk est absent. D'accord? Une personne, il peut adorer Allah. Et faire du shirk aussi. On délaisse d'abord. Voilà. Exactement. Et après, on adore. Allah adore, exactement. Pour que l'adoration soit acceptée par Allah Azzawajal, il faut d'abord délaisser le shirk. Le shirk, il est connu. Sa laideur. Khubh al-shirk, comme disent les ulama. La laideur du shirk, elle est connue par le sentiment d'Allah, mais elle est aussi connue par l'aql et par al-fitra. Par la raison saine et par al-fitra. Pourquoi? Parce que la personne, il sait que si Allah Azzawajal est le seul créateur, comment tu vas adorer un autre connu? C'est quelque chose d'irrationnel, d'accord? Et de même, la fitra de la personne, comme on l'a vu dans le verset de surat Al-A'raf, parce que Allah, il a pris la descendance de Adam, des rangs de Adam, hein, et les a fait témoigner sur eux-mêmes de la nullité du shirk. Antaqulu yawm al-qiyamah inna kunna 'an hadha ghafilin. Donc, deuxièmement, donc voilà, l'adoration, comme on va le voir dans le Qa'il al-Arba, inshallah, l'adoration, elle est, c'est comme la salat. On va prendre l'exemple de la salat. Si la personne fait la salat, ou si la personne fait le wudu, il suffit d'un gaz, akramakumullah, pour annuler ce wudu, d'accord? Et, par exemple, d'un gaz même pour annuler le wudu et la salat, d'accord? Mais le shirk, c'est pareil dans le tawhid. La personne, il a le shirk, il rentre dans son tawhid et il l'annule. Ça, d'accord. C'est pour ça qu'il est très important, et c'est l'erreur de da'awat, des appels à notre époque, on le voit, ou de la manière dont les gens font da'awa, de mettre en garde les gens contre le shirk. Parce que les gens, ils sont prêts à adorer Allah, mais beaucoup ne sont pas prêts à délaisser le shirk. Beaucoup ne sont pas prêts à délaisser le shirk. Soit le shirk dans l'adoration, le shirk dans la législation, le shirk dans l'alliance, le shirk dans l'invocation, le shirk dans le sacrifice, le shirk dans le... Voilà, l'obéissance, etc. Le shirk dans l'amour, etc. Et ils font passer d'autres avant Allah subhanahu wa ta'ala, tout en continuant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que faisaient les mushrikines de Quraysh. Et ensuite, il dit le shirk, wa dalil, ou qawluhu ta'ala. Et tout le temps, il ramène la preuve de ce qu'il avance. La preuve comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour mettre en garde les gens contre le shirk, ou pour appeler au tawhid. C'est la surat, ya ayyuhal muddathir. Ô toi, le revêtu d'un manteau. قم فأنذر لفتوى يا مرتي وربك فكبر et proclame la grandeur de ton Seigneur et proclame la grandeur de ton Seigneur وثيابك فطهر et purifie ton vêtement ولا تمنن تستكثر ne donne pas en espérant recevoir davantage ولربك فاصبر et patiente ou sois endurant pour ton Seigneur. Ensuite, il explique la sourate, Ya ayyuha al-mudaththir, ô toi le revêtu d'un manteau, Qum fa'anzir. Il dit, le shirk, ça signifie, Yunziru an al-shirk wa yad'u ila at-tawhid. Il avertit contre le shirk et il appelle les gens au tawhid. Wa rabbaka fakabbir, proclame la grandeur de ton Seigneur, Azimhu bit-tawhid, proclame la grandeur de ton Seigneur par le tawhid. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka an al-shirk. Et tes vêtements purifiés, purifie tes actes du shirk. C'est l'avis de certains savants du tafsir. Tahir a'malaka an al-shirk. Et on a vu précédemment que ce verset, certains salafs, thiyabaka fatahhir, ils le montrent que pour le da'i, pour celui qui fait la da'wa, ça peut être aussi dans le sens de quoi? Purifie tes vêtements, dans le sens de purifie ton comportement. Que la personne qui fait da'wa, et qui s'interpose entre les gens et leurs passions, qui s'interpose entre les gens et les pratiques de leurs parents, parce que c'est ça souvent que tu trouves quand tu fais da'wa aux gens. Inna wajadana aba'ana ala umma, comme Allah dit dans le Coran. Wa inna ala atharihi muhtadun. Nous avons trouvé nos pères sur une voie, et nous les suivons. Taqlid al-aba, c'est l'une des plus grandes, min a'zam usul al-kufr, parmi les plus grandes bases du kufr, le taqlid des pères, le suivi avec des pères et des anciens. Tous les mouchriquins, tous les kuffars, ils vont trouver ça comme excuse. Et les mubtadi'a aussi, les gens de l'bid'a, pareil. On suit nos pères, on a vu nos pères faire ça, on a vu nos savants faire ça, on a vu nos notables faire ça. Et donc la personne, le da'i, celui qui fait da'wa, il doit être irréprochable, lui, dans son comportement, et au niveau de sa famille. Parce que les gens, dès qu'ils vont avoir, ils vont voir, ça va pas leur plaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais toi, t'as fait ça. Mais toi, dans ta famille, t'as fait ça. Mais toi, ta sœur, t'as fait ça. Ou toi, tes enfants, etc. Et c'est la destruction de la da'wa du da'i. Donc la personne qui fait da'wah, de cet aspect-là et les prochains. وَالرُّجَسَ فَهْجُرْ Éloigne-toi des souillures. Je crois que j'ai oublié ce verset. الرُّجَسَ الْأَصْنَامِ Les souillures ici, c'est quoi? C'est les idoles. Ça, c'est venu dans un autre verset dans Surat al-Hajj. وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاتُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا Et le fait de les délaisser, c'est quoi? C'est le hajr, le fait de les délaisser, c'est les délaisser, de les désavouer de ces gens. De se désavouer des idoles et des gens des idoles. C'est-à-dire des gens du shirk. Al-Asnam, les sortes adorées en dehors d'Allah, les adorées en dehors d'Allah sont de plusieurs sortes. Parmi eux, les deux, Al-Asnam ou Al-Wathan. Al-Asnam ou Al-Wathan. Al-Asnam, au singulier, Asnam, au pluriel, ce sont ma nuhita ala shakl insan ou hayawan. Ce qui est adoré en dehors d'Allah, sous la forme, qui est sculptée sous la forme d'un homme ou d'un animal. Et Al-Wathan, c'est ce qui est adoré sans être sous la forme d'un animal ou de quelque chose. Parmi l'Authan, les pierres dressées à l'époque de Mouchikin, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À notre époque, les tombes sont des Authan, donc des idoles. Et parmi les choses adorées en dehors d'Allah, il y a aussi At-Tahout. At-Tahout, ma'ubida bidunillah wa huwa rab. C'est ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui accepte l'adoration. Donc il faut que ce soit un homme ou un djinn. At-Tahout, c'est un homme ou un djinn. Et certains ulama, ils appellent ce qui est non dénué, ce qui est dénué de raison, pardon, comme les pierres ou les arbres, ils permettent de les appeler tarous. D'accord? Ensuite, il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah et qui n'acceptent pas l'adoration. Comme par exemple, Isa ibn Maryam, il a adoré en dehors d'Allah, mais il refuse cette adoration. Al-Malaika, certains djinns purs qui refusent qu'on les adore en dehors d'Allah, malgré tout, les gens essayent de les adorer en dehors d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les formes de choses qui sont adorées en dehors d'Allah, sont nombreuses, elles ont plusieurs noms dans la sharia, peut-être on le définira par la suite. Il y a aussi l'arbab, les seigneurs, c'est tout ce qui est obéi en dehors d'Allah, comme les savants du mal, etc., etc. Donc il faut se désavouer des idoles et des gens des idoles. Ça ne suffit pas de se désavouer de l'idole, il faut aussi se désavouer des mouchriquins. Allah a dit dans le Coran, à propos d'Ibrahim, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dans surat al-Mumtahana, l'éprouvé, il dit, et Abraham il dit à son peuple, je me désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. D'ailleurs, c'est d'abord désavouer des mouchriquins. Parce que la personne, il peut se désavouer des idoles sans désavouer des mouchriquins, comme il a dit Hamad ibn Atiq, et il n'aura pas fait l'obligatoire. D'accord? Mais il faut se désavouer du shirk et des mouchriquins. Et celui qui dit, je me désavoue du shirk, mais je me désavoue pas des mouchriquins, c'est un menteur. Il a menti. Qal, أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Et pendant 10 ans, il a appelé les gens au tawhid. Pendant 10 ans, il a appelé les gens au tawhid et il a patienté dans la persécution, face à la persécution de son peuple de Quraysh. Ensuite, il dit le Cheikh, رحمه الله, وبعد العشر أرجابه إلى السماء. Après 10 ans, il a été élevé au ciel. Il a été élevé au ciel lors de l'Isra et le Mi'raj. On a déjà cité. يعني أسرية كما يقول الكومنتاتور ابن قاسم أسرية بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما كما أخبر الله عنه ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة القفاة صلى الله عليه وسلم آيت إلفي أسيل. Son corps et son âme. Le corps et l'âme, c'est pas seulement l'âme qui a été élevée au ciel. Il a été élevé d'abord de la mosquée sacrée à la Mecque, le Masjid al-Haram, sur El Buraq, sur une monture. Il a été élevé, il a été amené à Beit al-Maqdis, en Palestine. Ensuite, pardon, Yaqdatan la manama. Il était réveillé, il ne dormait pas, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui est arrivé en réalité. Et Ibn Qasim, كما أخبر الله عنه, comme nous l'a informé Allah subhanahu wa ta'ala, ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج. Et ensuite, le Mi'raj, c'est un mas'ad, Jibril, il l'a fait monter sur quelque chose qui s'appelle le Mi'raj, et il l'a élevé au ciel. C'est une chose, le Mi'raj. Le Mi'raj, c'est un mas'ad, c'est comme quelque chose qui monte, quoi. Ça s'y fait, je ne connais pas. كلما مر بالسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم ودنا من الجبار جل جلاله وكلمه بلا واسطة ف

Et il se peut qu'au début il ait sa foi, mais le fait de rester au milieu des kuffars, sa foi, normalement, va baisser. Tout ça nous montre, en tout cas, nouvelle terre, on va voir l'obligation de l'Hijra, Inch'Allah, dans un deuxième temps. Le Cheikh dit ensuite, Wal-Hijratu, donc après qu'il a dit Wal-Hijratu l'intiqal un belad al-shirk ila belad al-islam, et il dit Wal-Hijratu faridatun ala hadhi l'umma, un belad al-shirk ila belad al-islam. Et il dit le Cheikh, Mohamed Abdelhabi continue dans le Sourate Salasa, Al-Hijra est une obligation pour cette communauté. Du pays du shirk vers le pays de l'islam. Du pays du shirk vers le pays de l'islam. Le Cheikh Abdelrahman ibn Qasim, rahimahullah, il dit que l'obligation de l'hijra, c'est quelque chose qui est connu de la religion par nécessité. Très important, parce que cette expression, c'est une expression que les ulama utilisent pour dire une chose qui est connue par nécessité, c'est-à-dire celui qui renie l'obligation, mais croit. Par exemple, la salat, ma'loum min ad-din bid darura. Ici, il nous dit que le hijra, ou joub le hijra, ma'loum min ad-din bid darura. Il dit le shir, ou le hijra tout, le hijra, l'immigration, ou l'exode, est une obligation sur cette communauté. Du pays du shirk vers le pays de l'islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqoum as-sa'a. Et elle reste cette obligation jusqu'à ce que l'heure se lève. Et c'est une obligation. La personne, il n'a pas le droit. S'il reste en terre de mécréance, ça ne peut être que temporaire, parce qu'il n'a pas encore la capacité de faire l'hijra, d'accord? Mais c'est pas comme ils disent à notre époque, par exemple l'islam de France, on le trouve aussi chez les sectes égarées, qui disent que quoi? Qui disent que non, on peut pratiquer notre religion dans ce pays. On est des citoyens de ce pays, on va construire dans ce pays. Ils s'opposent clairement au Coran et à la Sunna, ijma' al-ulama, il y a quelque chose qui est connu de la religion par nécessité. Imagine, lui il est là pour faire la da'wa, alors qu'il sait très bien que c'est les kofars qui lui font la da'wa. Ça fait des années qu'il est dans, comment ça s'appelle, qu'il est dans ce pays-là, et on sait en plus l'effet qu'a ce pays-là sur les gens même qui sont venus, sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants, etc. Et ensuite le Cheikh dit wad dalil, et la preuve toujours, qawluhu ta'ala, et il cite le verset de l'Hijra qu'on va lire et commenter. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِ أَنفُسِهِمْ. Ceux dont les anges prennent les âmes alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ. On leur dira, où en étiez-vous? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Ils diront, nous étions impuissants ou en état de faiblesse sur la terre. قَالُوا وَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ceux-là sont ceux dont le refuge sera l'enfer. Et quel mauvais refuge! إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Sauf les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne peuvent pas sortir du pays ou qui ne trouvent pas le chemin de route. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Cela, il se peut qu'Allah leur pardonne. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Et Allah est pardonneur, miséricordieux, ou pardonneur, c'est le sens عَفُوًا غَفُورًا. نعم. قال البغوي رحمه الله. البغوي, parmi les savants du tafsir, il s'agit de Muhyi Sunna, Abu Muhammad Hussein ibn Mas'ud al-Farra. Il a dit, البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فنادهم الله باسم الإيمان. Il dit comme quoi la cause de la révélation de ce verset sur les musulmans qui étaient à la Mecque et qui n'ont pas fait le hijra. Et malgré tout, pardon, je me suis trompé de verset. Ça c'est le verset يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ô mes serviteurs, ma terre est vaste, alors adorez-moi. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit à propos de ces versets. قال ابن كثير رحمه الله فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين الظهرانين المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. Il dit ابن كثير, ce verset noble et général sur toute personne qui vit au milieu des mushrikins alors qu'il a la capacité de faire l'hijra et qu'il ne peut pas appliquer son din. Il est injuste envers lui-même. Et il a commis une interdiction à l'unanimité. À l'unanimité. Il y a ijma' à cette question-là. Ijma' à cette question. Et Al-Sa'di, rahimahullah, a dit dans son tafsir, وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات. Il y a dans ce verset une preuve comme quoi l'hijra est parmi les plus grandes obligations. وتركها من المحرمات بل من الكبائر. Et le fait de la délaisser fait partie des interdictions, mais même partie des grands péchés. C'est dans le tafsir Al-Sa'di, la page 187 d'Arabie. C'est Al-Sa'di qui dit ça? Comme quoi c'est un grand péché. Ibn Kathir, de toute façon, comment tu connais le grand péché dans le Coran? Par le fait que Allah Azza wa Jal, dans l'exemple précis, il a dit qu'ils seront dans le feu. Non. Quand Allah il promet le feu pour un acte, sache qu'il fait partie des grands péchés. Si une chose, Allah il promet le feu de l'enfer, ou qu'il maudit Allah ou son prophète, ou qu'il y a un had, une peine prescrite, sache que cette chose elle fait partie des grands péchés. Parmi les preuves de l'obligation de l'hijra, le hadith, hadith Jarir ibn Abdillah, قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى أنا راهما خرج أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم il a dit je me désavoue de tout musulman qui vit au milieu des mushrikins. Ce hadith il est rapporté par Abu Daoud et il est hassan et sahih. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous a incité à l'hijra. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc Allah Azza wa Jalla dit, subhanahu wa ta'ala, pour nous inciter à l'hijra, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre, dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Subhanallah. Et dit, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, il n'a pas atteint encore le pays de l'Hijra, mais que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, dans l'explication de ce verset, قال ابن كثير ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مناظما كثيرا وسعة. Et celui qui fait l'hijra dans le sentier d'Allah, il trouvera sur la terre mais refuge et abondance. Il dit هذا تحريض على الهجرة. C'est pour inciter Allah, il t'incite à l'hijra. وتغريب في مفارقة المشركين. Il veut te donner l'envie de se séparer des مشركين. وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحا وملجأ يتحصن فيه. Et il dit que le croyant, lorsqu'il part de leur pays, il va trouver un refuge. Et il va trouver l'abondance. وَالْمَرَاغِمْ مَصْدَرْ تَقُولُ الْعَرَبْ رَاغَمَ فُلَانُ قَوْمَهُ مُرَاغَمًا مُرَاغَمَةً نَابِغَةً قَالَ نَابِغَةُ بْنُ جَعْدَ. L'essentiel. Al-Muraghama, les salafs, ils ont dit, Al-Muraghama, التحول من أرض إلى أرض. Il trouvera un refuge. Le fait de passer d'un endroit, d'une terre à une autre terre. وكذا روي عن الضحاك وربيع بن أنس والثوري وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني مزحزحا عما يكره وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا يدخلها ديكونستركسيون يدخلها من رفوج يا ابو الله سبحان الله يجي ابن كثير في نيان ديزان الفيرسي ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. Et celui qui sort de sa maison en faisant le hijra vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense sera auprès d'Allah. Ibn Kathir dit, أَيُمَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِنِيَةِ الْهِجْرَةِ فَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ثَوَابُ مَنْ هَاجَرَ. Il dit, celui qui sort de sa maison avec l'intention de l'hijra et qui meurt sur la route, il aura la récompense de celui qui a fait une hijra. Subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith rapporté par Al-Nasa'i, pour nous inciter aussi à l'hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un hadith ajib. Il dit, إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدَ لِبْنِ آدَمْ بِأَطْرُقِهِ فَقَعْدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمْ وَتَذَرَ دِينَكَ وَدِينَ أَبَائِكَ وَأَبَاءَ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمْ. Comme quoi le shaitan, il s'est mis sur la route du fils de Adam. La première route, il s'est mis sur la route de l'islam. Parce qu'il veut rentrer dans l'islam. Dans le vrai islam, l'islam authentique, il lui dit quoi? Tu veux rentrer dans l'islam? Tu veux délaisser ta religion, la religion de tes pères et la religion des pères de tes pères? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le musulman? Il lui désobéit. Ensuite, le shaitan il se mit sur la voie de l'hijra. ثم قعد له بطريق الهجرة فقالت هاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفارس في الطوال فعصاه فهاجر. Il dit ensuite, il se met sur la voie de l'hijra. Il lui dit, tu vas faire l'hijra, tu vas délaisser ta terre, ton ciel. Hein? Il lui désobéit, fait l'hijra. ثم قعد له بطريق الجهاد فقالت جاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل يدخله الجنة. أصلا الله الشيطان يسميه له الجهاد. Il dit, tu vas au jihad, c'est dur pour toi, pour ton âme et pour ton argent. Tu vas combattre, tu vas être tué. Ta femme va se remarier après toi et on va diviser ton quoi, ton héritage. À ce moment-là, le musulman, il désobéit au shaitan et il fait le jihad. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Celui qui fait cela, il a un droit envers Allah, azza wa jal, qu'il le fasse rentrer au paradis. Wa man qutila kana haqqan ala Allah, azza wa jal, yudkhilahu al-jannah. Celui qui est tué, il a un droit envers Allah, qu'il le fasse rentrer au paradis. Wa in ghariqa kana haqqan ala Allah, yudkhilahu al-jannah. S'il se noie, c'est un droit envers Allah, qu'il rentre au paradis. أو قصته دابة كان حقا على الله يدخله الجنة وكي tombe de sa monture et meurt, c'est un droit envers Allah qu'il fasse rentrer au paradis. Ce hadith est rapporté par Al-Masai et est authentique, numéro 3134. فالهجرة واجبة. La hijra est une obligation et c'est une obligation dans ce temps, surtout vers la terre dont on sait qu'elle gouverne avec la sharia, ou vers l'endroit où les gens sont en train d'établir l'État islamique. نسأل الله يوفقنا لها ويصبرنا عليها ويتم علينا نعمته كما دعا الله عز وجل كي nous enfermise sur cela كي nous aide à faire l'hijra كي nous l'accepte كي nous enfermise dans son deen. Ensuite il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve de l'hijra dans la sunna et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hijra ne s'interrompra pas tant que le repentir ne s'interrompra pas. Et le repentir ne s'interrompra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Et ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, si je me souviens bien, et sahih, inshallah. Ensuite, il dit le chef. Lorsqu'il a été établi à Médina, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une hijra, et qu'il a été établi à Médina, et qu'il a pris la tête de la communauté des musulmans. C'est-à-dire, il est devenu imam. Il est devenu, on ne disait pas ça à l'époque, hein, parce que c'est un terme qui apparaît à l'époque de Omar, Emir al-Mu'minin. Il est devenu un chef des croyants, autant un chef politique et guerrier qu'un chef religieux, entre guillemets. Lorsqu'il a été dit à Médina, Umina bi baqiyati shara' al-islam, Allah lui a ordonné les législations, le reste des législations de l'islam, mithla zakat, comme la zakat, wassawm, le jeûne, wal hajj, le pèlerinage, wal adhan, l'appel à la salat, wal jihad, le jihad, wal amr bin ma'ruf wal nahi anil munkar, le fait ordonner le bien d'interdire le mal, ghayru dhalika min shara' al-islam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit à notre époque, il a établi entre guillemets l'État islamique. Hein. Et il était, Allah lui légiférait les lois au fur et à mesure qu'il en avait besoin. Il a organisé cet État comme c'est une obligation selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ha akhadha ala hadha 10 sinin. Et pendant 10 ans, il a fait cela. C'est-à-dire, il a gouverné entre guillemets l'État islamique de la meilleure manière avec l'législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tufiya sallallahu alayhi wa sallam. ودينه باق في المخ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ودينه باق لسغل جوي غستين وهذا جينه تعرض من رفاة محمد صلى الله عليه وسلم يدي وهذا دينه السوسيه سن دين دين محمد صلى الله عليه وسلم تعرض الإسلام لا خير إلا دل الأمة عليه من يقاد بيان qu'il n'ait guidé la communauté vers lui. Tout bien, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré. Et inversement, il dit, Voilà, Sharwa illa hadraha minh. Il n'y a pas de mal qui m'ait mis en garde la communauté contre lui. C'est-à-dire, tout bien, il nous l'a montré. Et tout mal, il nous l'a montré. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. Le bien vers lequel il nous a orienté, c'est le tawhid en premier lieu et tout ce qu'Allah aime et agrée. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. Et le mal qu'il nous a montré, le plus grand mal en premier lieu dont il nous a averti, c'est le shirk et tout ce qu'Allah déteste et refuse. Et ensuite, il dit le cher, je n'explique pas forcément, parce que ça n'a pas besoin d'explication. Il dit, Ba'atha Allah ila nasi kaffa. Allah l'a envoyé à tous les hommes, sans exception. Allah, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes. Arabahum wa ajamahum, Bakarahum wa unthahum, Hurrahum wa abdahum, Ahmarahum wa aswadahum, wa la niza'a fi dhalika bayn muslimin. Il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes, les arabes et les non-arabes, les hommes et les femmes, les hommes libres et les esclaves, les hommes de toutes couleurs, et il n'y a pas de divergence en cela entre les musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à tous les hommes. وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَالَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam obligatoire sur toute la création, parmi lesquels les djinns et les hommes. C'est ce qu'Ibn Taymiyyah appelle umum al-ba'tha. C'est-à-dire que Allah azza wa jal, il a rendu obligatoire à tout ce qui est sur cette terre, parmi les hommes et les djinns, d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de rentrer dans son din qui est l'islam. Comme il dit Ibn Qasim dans son commentaire de l'Usul al-Thalatha, هذا مجمع المسلمين وقرن طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié entre son obéissance et l'obéissance à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Et il dit dans Surat An-Nisa, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui croyez à Allah, et obéissez à Allah, et obéissez à son messager. De même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été envoyé à tous les hommes, et qu'il a été, son obéissance a été rendue obligatoire à tous les hommes, toute personne qui mécroit en lui, toute personne qui mécroit en lui, ou qui ne croit pas en lui, mérite l'enfer. Mérite l'enfer. Comme il est venu dans Sahih Muslim, comme il est venu dans Sahih Muslim, an Abi Huraira radiallahu anhu, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, par celui dont l'âme de Muhammad صلى الله عليه وسلم est dans sa main, nulle personne parmi les juifs ou les chrétiens n'entend parler de moi, puis meurt sans croire avec ceux en quoi j'ai été envoyé, qu'il ne soit parmi les gens du feu de l'enfer. Toute personne qui entend seulement, la asma'u, il entend seulement parler qu'il est un homme qui s'appelle Mohammed, qui a prétendu être prophète, et qui ne croit pas en lui, il mérite l'enfer. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Et la preuve de cela est la parole du Très-Haut, dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. C'est une preuve claire comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les hommes. Et dans le hadith, elle dit rawahu al-Bukhari wa Muslim, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ar-rusula qabli yub'athuna ila qawmihim khassa wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa. Tous les messagers avant moi ont été envoyés à leur peuple en particulier. Quant à moi, j'ai été envoyé pour toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Contrairement au prophète de Béni Israël, qui en général avait été envoyé à Béni Israël. Contrairement au l'autre qui a été envoyé à son peuple. Contrairement à d'autres. Isa ibn Maryam, il a été envoyé à Béni Israël, puis à la fin du temps, il reviendra pour toute l'humanité, Inch'Allah. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله عز وجل a complété la religion par nous, c'est-à-dire cette dîne est complète, elle est complète par nous, n'a pas besoin ni d'ajout ni qu'on lui enlève des choses, il n'a pas besoin de bid'a, il n'a pas besoin non plus de gens qui tronquent le dîne des choses qui en font partie. Et la preuve de cela, c'est la parole du Très-Haut qui signifie « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ou sur vous votre religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme dîn. » Ce verset-là, comme l'ont dit de nombreux salafs, c'est une preuve de l'interdiction de n'importe quel bid'a. Puisque la religion est complète, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Parmi les bid'a d'al-ibadat, donc, ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni ses califes bien guidés, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, par exemple, nous célébrer la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-Mawlid al-Nabawi. Il est donc interdit, et ça fait donc partie des bid'a, de célébrer cette chose-là. Et etc., etc. Il y a de nombreux exemples dans cela, interdiction de la bid'a, par le fait que le dîn est complet. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Et la preuve qu'il est mort صلى الله عليه وسلم, pourquoi il prête importance à ça le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى, c'est que de nombreuses sectes parmi les soufis, particulièrement les soufis, des sectes actuellement, par exemple, très très très développées dans le sous-continent indien, particulièrement au Pakistan, comme le Breilouia, qui considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Et ainsi de suite, et par cela, il légitime le fait d'aller à sa tombe et de l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de lui demander soit une chose que seul Allah peut donner, c'est-à-dire par exemple la santé, ou les enfants, ou quoi que ce soit, ou soi-disant, lui demander ad-du'a, c'est-à-dire lui demander d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal. Ok, là, on a acheté qu'on akbar. Et les deux seuls sont de l'association majeure. Le premier directement, puisqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à un autre qu'Allah pardonne ce que seul Allah peut leur donner. Et le deuxième, car ils prennent un intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux choses-là sont du shirk akbar, de l'ijma'a. Nous y reviendrons dans l'explication de la deuxième annulation d'Islam, Inch'Allah ta'ala. Donc il est bien important de montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort. Ils l'ont lavé, ils l'ont recouvert d'un linceul et ils l'ont enterré. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka mayyit. Certes, tu vas mourir. Allah Azza wa Jal, il s'adresse à son prophète. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu vas mourir et ils vont mourir. Tout le monde va mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout homme goûtera la mort. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Et ensuite, vous disputerez le jour de la résurrection auprès de votre Seigneur. Et ensuite, il commence, le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, à nous parler, c'est ainsi qu'il finira, on va dire, l'avant-dernier sujet de cette risala, de cette épître, les questions qui sont liées au jour du jugement dernier, au jour du jugement dernier, et à la résurrection. Et il dit, rahimahullah ta'ala, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Et lorsque les gens seront morts, ils seront ressuscités. يُبْعَثُونَ. والبعث هو عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثالثة وهذا تعرف ابن تيمية في الواسطية. البعث, la résurrection, c'est lorsque les âmes reviendront dans les corps après la troisième sonnerie dans la trompe, c'est-à-dire le jour de la résurrection. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. Et la preuve est la parole du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, d'elle, nous vous avons créé, c'est-à-dire de la terre. D'accord? Il nous passe, من الأرض مبدأكم, فإن أباكم آدم مخلوق من تراب, من أديم الأرض. Il dit, de la terre, nous avons été créés. Notre père Adam, alayhi salam, a été créé de boue, de terre ou d'argile. Hein? وفي الأرض نعيدكم أي إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها ومن الأرض نخرجكم. Donc le verset dit quoi? منها خلقناكم. D'elle nous vous avons créé. C'est de la terre. وفيها نعيدكم. Et d'elle nous vous ferons, et en elle nous vous ferons retourner. C'est-à-dire vous retournerez à la terre lorsque vous serez enterré après avoir été mort. ومنها نخرجكم طارة أخرى. Et d'elle nous vous ferons sortir une autre fois. C'est-à-dire le jour de la résurrection, يوم البعث والحساب, le jour de la résurrection et des comptes. وقوله تعالى والله أنبأكم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. De même, Allah عز وجل a dit ce qui signifie, et Allah vous a littéralement fait pousser de la terre. ثم يعيدكم فيها, il vous fera retourner, ويخرجكم إخراجا, il vous en fera sortir une autre fois. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم, et après la résurrection il sera demandé des comptes et les gens seront récompensés ou châtiés en fonction de leurs actes. قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Et ceux qui ont fait de mauvaises actions, ils auront le châtiment de ce qu'ils ont commis comme acte. Quant à ceux qui auront fait de bonnes actions, ils le récompenseront par al-husna, par des bonnes choses. Et ensuite il dit le Cheikh rahimahullah, وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرْ. Et quant à celui qui dément la résurrection, il mécroit, il est mécréant. لِتَكْذِيبِهِ اللَّهِ لِتَكْذِيبِهِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ وَاجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ. Car il a, comme dit le commentateur, car il a démenti Allah et son messager qui nous a informé, qui nous a informé de ces choses-là. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ولا يبعثوا قل بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Allah est la preuve de cela, c'est-à-dire celui qui remet en cause la résurrection est un kafir. La parole du Très-Haut, زعم الذين كفروا ولن يبعثوا, signifie, les mécréants ou ceux qui ont mécru ont prétendu que nous ne serons pas, ou que vous ne serez pas ressuscités. قل بلى وربي لتبعثن, dit, si par mon Seigneur vous serez ressuscités. ثم لتنبؤن بما عملتم بما عملتم. Ensuite on vous informera de ce que vous avez fait comme acte. وذلك على الله يسير, et cela est aisé pour Allah سبحانه وتعالى. مراتب اليوم الآخر, le jour de la résurrection, il faudrait un dars ou plusieurs dars pour donner les détails de ce qui arrive ce jour-là, parce qu'il y a des nombreux versets du Coran, donc à hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre ce qui va arriver ce jour-là. Parmi les meilleures choses l'ikhtisar, avec un résumé qui a été écrit, ce qu'a décrit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son petit épître sur la croyance qui s'appelle al-aqidat al-wasitiyyah. Il dit rahimahullah ta'ala, ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت, فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك, ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبي. Il fait partie de la foi au jour du jugement dernier, le fait de croire en ce en quoi nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce qui se passe après la mort. Les gens de la sunna croient à l'épreuve de la tombe, au châtiment de la tombe et à la récompense de la tombe. Les gens seront questionnés dans leur tombe, on leur dira « Qui est ton Seigneur, quel est ton dîme et qui est ton prophète ?» Allah fermera ceux qui ont cru, c'est-à-dire dans cette vie, avec une parole ferme, dans cette vie et dans l'akhirah, dans l'au-delà. Le croyant dira, mon Seigneur est Allah, et l'Islam est mon dîme, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُهَا هَا لَا دْرِي سَمِعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ. Quant à l'hypocrite, ou quant au mécréant, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai dit. C'est-à-dire, il s'excuse par le taqlid, par le subi'awani. Alors nous, on a entendu nos pères dire telle chose, on a entendu la télé dire telle chose, on a entendu le prêtre dire telle chose, on a entendu les gens de notre village dire telle chose, les gens de notre hizb, de notre parti, de notre groupe, etc. فَيُضْرَبُوا بِمِزْرَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ. On le frappera avec un marteau de fer. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانُ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. On le frappe à ce moment-là, et le cri qu'il pousse est entendu par toute la création, sauf l'homme. Et si l'homme l'entendait, il tomberait comme épileptique, quoi. Là, ça, il tomberait par terre de peur. ثُمَّ بَعْدَ هَدْ فِتْنَا إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ. Après cette fitna, soit un bienfait et une récompense, soit un châtiment. إِلَا أَن تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فأقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. Ensuite, il y a la grande résurrection. Les âmes reviennent dans les corps, une fois que tout le monde est mort, quoi. Et les âmes reviennent dans les corps. Et la grande résurrection a lieu, celle dont Allah Azza wa Jalla nous a informé dans son livre et sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel les musulmans sont unanimes. Les gens se lèveront de leur tombe vers le Seigneur des univers. Ils seront pieds nus, et ils seront incirconcis. C'est-à-dire, ils reviendront comme quand ils étaient incirconcis. Comme c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Aïcha al-Bukhari wa Muslim, innakum tuhsharuna ila Allah يوم القيامة حفاة عراة غرلا. Vous serez rassemblés vers Allah le jour de la résurrection, pieds nus et incirconcis. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Ensuite, le soleil se rapprochera d'eux et ils seront et leur sueur les recouvrira, et les actes des hommes seront pesés sur des balances, c'est-à-dire on mettra en des balances le jour de la résurrection, et les actes des gens seront pesés. Et Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ سَقُولَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux dont les balances seront lourdes, ils seront les mouflihouns. Ils auront la bonne nouvelle. Ils auront la réussite. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Quant à ceux dont les balances seront légères, ils sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et ils seront en enfer éternellement. وَتُنْشَرُ دَوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَأَخِذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَخِذُ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَمِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. Ensuite, les dawawin, les registres, seront posés. Et ce sont les feuilles dans lesquelles sont les livres, ou les registres dans lesquels sont écrits les actes des hommes. D'accord? Celui qui prendra son livre par la main droite, c'est, pour lui, ça sera bon par la suite.

أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.